waa gars yi BG moo dellu si fii. Kii nag benn sunu benn mbokku malien la woon nekk Paris nag. Benn bés nag muy doxantu booru Champs-Élysées. Di doxantu rek mbëkkanteeg benn anglaise bu rafet xale bu jekk. Mu daal di koy gis nag. Mais fitam may ko quoi fitam gis mu jékki-jékki ne jéngu rek ne baal ma dem wax ak moom. Ñoree na ko bonjour mademoiselle. Se trouvait vraiment tu es belle. Et je voulais qu'on va manger KFC à Château Rouge ce soir. Gel bi xol ko, gel anglaise bi xol ko. Ne ko never. Xam nga never jamais anglais. Mu ne ko never. Marie bi contane. Ne ko never ou never et demi.